éclats de lumière sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Victor Belin, coordinateur et réacteur Lumière en Art, et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Éclats de lumière de mai 2025. C'est une période chargée en ce moment d'un point de vue culturel, avec des événements culturels importants, des festivals, des salons littéraires et d'autres expositions en tout genre qui se succèdent à Nancy en Grand Est, mais aussi partout en France. Et nous allons vous en parler dans cette émission plus en détail. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle avec des invités qui le sont tout autant, présents pour vous partager leur art, leur passion, mais aussi leurs inspirations, et pour évoquer la culture sous toutes ses formes avec vous pendant une heure sur Fadjet Radio. Je suis accompagné aujourd'hui, et comme d'habitude, de Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et de Mouloud. Bonjour Mouloud. Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, donc, deux invités exceptionnels, et avec tout d'abord, donc, Romain Marie. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes un peintre contemporain dont l'univers oscille entre expressionnisme et figuratif. Et vous avez été d'ailleurs récemment exposé à l'Hôtel Mercure, rue des Carmes, les 26 et 27 avril dernier, pour une très belle exposition qui s'intitulait donc Florilège. Vous avez aussi été donc exposé à Vendeuvre cette année avec un accrochage intitulé Colors, ainsi que l'année dernière où vous avez été exposé dans divers lieux nancéens, notamment donc à la Gentilhommière ou encore à la Brasserie Saint-Georges. Et vous viendrez nous parler tout à l'heure ensemble de vos inspirations, de vos futurs projets en cette année 2025 et de son art en général. Nous recevons également le réalisateur donc Malek Kellou. Bonjour Malek. Bonjour. Qui viendra également donc nous parler de ses productions et de son art dans cette émission. Avant toute chose, et avant de passer donc à notre premier invité, je vous rappelle que les réseaux sociaux de Lumière en Art vous permettent donc de prolonger l'expérience de cette émission. Vous pouvez nous retrouver notamment sur Facebook avec les différentes pages Lumière en Art et Lumière en Art officiel, mais aussi sur Instagram avec l'Instagram Mag Lumière en Art et sur TikTok, ça commence à faire un petit moment maintenant. Et bien sûr, je n'oublie pas le site internet de Lumière en Art où vous pouvez retrouver tous nos articles et nos reportages concernant les événements culturels nancéens, lorrains et parisiens. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle également que vous pouvez réécouter cette émission donc sur le site de Fadjet Radio en podcast, ainsi que toutes les émissions des mois précédentes. Et je laisse à présent la parole à Mouloud qui va présenter notre première invitée. Alors, bonjour à tous. Alors, l'invité d'aujourd'hui, c'est Malek Kellou, donc un documentariste et réalisateur. Je crois déjà dans la télé FR3, je crois, dans le passé, où tu présentais le journal européen avec Alex Taylor. Ça remonte à loin, ça. Par contre, le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est un documentaire qu'il a fait sur l'Algérie, bien sûr. Parce qu'en ce moment, on parle souvent de l'Algérie, il y a des contentieux, effectivement, qui ne sont pas toujours réglés. Donc, mais M. Malek, c'est plutôt sur son passé sa vie actuelle et des rencontres de personnages sur des socles, statues et autres, et les traumatismes, certainement, qui persistent au fil de l'histoire, bien sûr. Donc, M. Malek, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de votre itinéraire, hein, pour vous situer un petit peu aussi bien en Algérie qu'en France et les relations entre les deux pays, quoi. Oui, moi je suis né en Algérie, en petite Kabylie, très longtemps, dans les années 45, juste après-guerre. J'ai eu le malheur d'avoir toute ma jeunesse, une guerre de libération, la guerre d'Algérie de 54 à 62. J'ai vécu dans les camps de regroupement, c'est-à-dire que mon village a accueilli une grande partie des populations qu'on a voulu regrouper dans un seul lieu autour de barbelés électriques. On a vécu un peu des moments très difficiles. Donc ça c'est une période. La période, c'est à l'indépendance de l'Algérie. J'ai commencé à travailler à Radio Alger, hein, Radio Alger à l'époque, jusqu'en 70. Ensuite, j'ai eu une bourse pour faire des études à Bruxelles, à l'école de cinéma. J'ai fait deux films, pour moi importants, parce que c'est les deux premiers films qui comptent dans la vie d'un cinéaste. C'est un premier film, c'est avec Armand Gatti. Armand Gatti, qui est très connu comme homme de théâtre en France et à travers le monde, qui est venu mettre en scène la colonne de Loti. La colonne de Loti, c'est la colonne qui a anarchiste, qui a fait la révolution espagnole, qui est composée en grande partie par des intellectuels internationaux. Donc on a fait un film là-dessus. Et ensuite, j'ai fait un autre film sur les expulsions des populations de la gare du Nord à Bruxelles, immigrées ou pas. Et j'ai abordé également l'intérieur de ce film qu'on appelle Vidange perdue. Pourquoi Vidange perdue? C'est un de mes amis flamands qui m'a donné le titre. C'est Vidange perdue, c'est-à-dire il me disait: ah, t'as pas trouvé un titre pour ton film, parce que je cherchais comme étudiant un beau film, enfin un beau titre pour faire vendre le film. Ah, il me dit non, tu devrais te pencher plutôt sur la Vidange perdue. En Belgique, on achète de la bière, on achète de l'eau, de l'huile, lorsque la valeur a été consommée, il reste la bouteille on la jette parce que on peut pas la rendre à l'épicerie. Bon, voilà, donc c'est quelque part c'est une métaphore qu'il a lancée par rapport à l'immigration. À l'immigration, d'ailleurs, une fois qu'on les a usés, les pauvres, on peut les jeter, personne ne s'en occupe. Donc c'est une grande partie du film que concerne déjà il y a 50 ans. Quand j'ai fait ce film, elle concerne les immigrés clandestins, enfin dits clandestins, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de papier de travail, n'avaient aucun droit, donc ils étaient pourchassés par la police, ils ont fait une grève de la faim qui était mémorable dans une église, ensuite ils ont été pris et manu militari renvoyés en Tunisie et au Maroc. Bon, voilà, donc c'est un petit peu, tous mes débuts étaient... était là-dessus. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'intéresse, avec le temps maintenant, pourquoi je m'intéresse aux exclus, et pourquoi je m'intéresse à des gens qu'on a rejetés? C'est que moi-même, j'ai vécu des drames pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on s'est accueillis, on a accueilli plutôt dans des familles, des gens qui étaient chassés de leur village, de leur vie, de leur famille, et qui sont venus s'installer. Et l'armée française nous occupait avec des barbelés. Bon, voilà quoi. Donc c'est un peu, on a tendance à reproduire ces obsessions dans les films. Voilà, en gros. Ouais. Alors justement, je reviens au début, ce que tu disais, le regroupement des villageois dans des villes au Piémont, parce qu'en général c'était des villages de montagne. Pourquoi? Parce que moi aussi je l'ai vécu, on nous a donné un temps, 2 heures pour dégager des villages, après bombarder, c'était pour empêcher les maquisards de se ravitailler en nourriture, en vêtements et tout ce qu'on veut, hein. Et en ravitaillement, parce qu'ils avaient des marches à faire, des longues marches, qu'ils avaient des horaires en Kabylie ou en Tunisie, à la frontière et tout ça. Donc, ils marchaient beaucoup, donc il leur fallait du ravitaillement. Donc, c'était dans les villages. Donc, la France, elle voulait couper carrément la relation entre les maquisards et les villageois où ils se ravitaillaient. Et ils ont créé donc des lieux de regroupement avec un organisme qu'on appelait les SAS. Je ne sais plus comment c'est, services spéciaux... Section armée spéciale. Services administratifs spéciaux. Voilà. C'est ça. Moi aussi, je l'ai vécu ça. Donc, tu as vécu tout ça. Donc, en France, bien sûr, tu as rencontré quelques difficultés. C'est ce que tu as commencé à parler, c'est-à-dire les relations avec les gens, et puis après le mariage, des enfants, une société où il y a un choc des civilisations, un choc culturel aussi. C'est ça que j'aimerais bien savoir. Comment ça influe sur le psychisme, sur le mental, quoi? Non, mais la première difficulté que j'ai eue, c'est en Algérie. Hein. Moi, je suis réalisateur indépendant, homme de gauche. J'ai toujours exprimé mes idées. Ils savaient très bien qui j'étais. Et là, j'étais très mal accueilli hein, après mes études à la télévision algérienne. On m'a dit, on ne peut pas faire travailler des gens comme toi. Tu es kabyle, tu es francophone, tu es de gauche, etc. etc. Ils ont tout fait pour m'en empêcher. Donc, j'ai tourné en rond pendant 2 ans, sauf que entre-temps, j'ai fait un film avec le correspondant du Monde à Alger, Paul Balta, sur la transsaharienne, hein, ce qui relie l'Afrique et l'Algérie. Mais c'est pour la télé, ça, non? Pour l'office du cinéma algérien. Ah oui, d'accord. L'ONSIC. Oui. Donc, j'ai dû regagner la France parce que ma femme est française et c'était insupportable pour nous de rester sans rien faire, surtout que j'avais fait des films et j'espérais retourner dans mon pays et pouvoir m'exprimer librement. Il n'y avait pas cette liberté. Enfin, je tiens à le souligner parce que je le dis haut et fort parce que ça peut casser une carrière. Ensuite, je suis venu en France, j'ai recommencé à pratiquement à zéro, j'étais assistant de réalisateur. C'est pas zéro parce que j'ai travaillé à l'époque à la SFP, j'ai travaillé avec Raoul Sangla, j'ai travaillé avec Bertuccelli, j'ai travaillé avec des grands réalisateurs. On a fait des belles choses, on a travaillé ensemble. Bon, j'étais formé. Ensuite, je suis devenu réalisateur, comme tu le disais au début, sur l'émission Continentale avec Alex Taylor. C'est des émissions éducatives hein, qui sont diffusées le matin pour l'apprentissage des langues. Et c'est l'ouverture sur l'Europe. Enfin, c'est l'apprentissage de l'allemand, de l'anglais, de l'italien à travers les journaux télévisés et qui sont diffusés dans les lycées. C'était une très bonne idée hein, parce que la France manquait d'ouverture sur les langues à l'époque. Et c'était une émission très, très, très intéressante. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ce journal, en tout cas européen, qui se faisait aussi, qui se déplaçait aussi dans les, comment dirais-je, dans les pays européens. À coup, c'est l'Italie, même dans les villes, ça changeait de ville ou de pays. C'était un journal effectivement très riche en actualité. Non, c'est très bien. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Quand t'es arrivé ici, c'est important de le savoir, comment t'as trouvé cette société? Parce que t'es parti d'une culture, même si la culture, disons la langue française, tu l'avais déjà acquise. C'est pas mon cas, quand je suis venu ici, je parlais pas le français. Donc... Non, il n'y avait pas du tout de difficulté, parce que moi je me définis comme étant un franco arabo, algérien, kabyle. Hein. Oui, oui. Donc, lorsque je suis arrivé en France, j'avais déjà mon bac en français, donc j'étais à la faculté d'Alger. Mes profs étaient des Français à l'époque, hein, c'était une grande partie de grands professeurs qui étaient venus en Algérie enseigner la littérature et le cinéma et la philosophie. Donc, je n'étais pas du tout dépaysé. Ma femme française, que j'ai rencontrée en Algérie, sur le thème de l'autogestion, parce qu'à l'époque, elle était à Nanterre, et à Nanterre, on privilégiait l'autogestion, le travail politique, etc. Donc, on s'est rencontrés sur ces bases-là. Non, la France m'a toujours appartenu quelque part. Hein. De toute façon, elle est le produit de sa culture. Bon, comme je suis de culture française, il n'y a pas eu de problème. Oui, bon, je vais aborder le sujet concernant donc les Nancéens et nous. On a une histoire commune quand même, pas spécialement avec les Nancéens, mais entre Français et Algériens. Mais surtout un personnage qu'on a ici devant Artem, dont sa statue est devant Artem, qu'on appelle Sergent Blandan, qui a fait la guerre en Algérie. Il a été héroïsé par l'armée coloniale française. Et tu as quelques mots à dire, parce que toi, tu as vécu ça dès l'âge de 10 ans, et que tu as revu ici, tu as revu la statue ici, alors qu'elle était en Algérie, Boufari, je crois, hein, c'est ça. Et maintenant, elle est devant Artem. Alors, son histoire, est-ce que tu peux me la raconter? Je sais qu'il est décédé en 42, bien sûr, qu'il est né à Lyon, voilà. Mais qu'il a été un petit peu utilisé pour justifier la colonisation. Oui. L'homme, c'est-à-dire que faire un film, c'est aussi parler de soi. Hein. C'est important de pouvoir développer sa subjectivité. Et moi, lorsque je voulais aborder l'Algérie et les relations de l'Algérie avec la colonisation, mais je ne trouvais pas l'angle. Hein. L'angle était trop vaste, trop large et trop, trop politisé, etc. Je me suis dit, tiens, c'est cette statue que j'ai vue le matin, à 5h du matin, que je rencontre, parce qu'il était arrivé, on avait célébré, on l'a accueilli sur la place Stanislas à l'époque. Ensuite, on l'a mise vers la caserne Thierry. Caserne Thierry, en 90. Ensuite, Grossino, à l'époque, maire de Nancy, avait pris la statue parce qu'il était caché par des arbustes et tout ça. Il a déblayé tout ça et ils ont fait une inauguration et l'installé rue Blandon. Bon, voilà. Donc, il a regagné sa place naturelle, mais seulement le matin, quand j'allais à l'époque faire Continental, il se levait à 5h du matin, il neigeait, la statue était là. Ça m'a fait rappeler des souvenirs. Je me dis, oh là là, une projection dans le temps pour aller voir cette statue. En fait, c'est là, au début du film, le plan d'attaque, et je me rends compte qu'avec ma mère, je passais donc à Boufarik pour acheter des oranges. C'était le lieu des oranges. Par excellence, ouais. Et ma mère était là à côté de moi, donc je lui dis, ma mère, c'est quoi ça? C'est Azor, c'est-à-dire c'est un fantôme, c'est quoi comme personnage? J'ai jamais vu de ma vie une statue, une peinture, tu sais, ça, dans notre culture, c'est souvent, on nous racontait les fantômes plus qu'on le voyait le concret, la beauté des œuvres. Et ma mère m'a dit, oui, mange ton orange et tais-toi. Donc, le silence est de mise. Donc, il y a l'armée à côté, c'était la bataille d'Alger, les parachutistes, tu vois. Et moi, tout jeune, j'étais perdu dans ce tourmente. Et ça m'a rappelé, là, je me suis dit, oh là là, il y a quand même une idée forte pour pouvoir faire un film documentaire là-dessus, pas sur le sergent Blandon, mais qui est un nom qui me permet de rentrer dans mon pays, filmer aussi avec les élèves. J'ai trouvé une classe de première de Jeanne d'Arc, avec Étienne Nogri, qui est professeur d'histoire, et on a commencé à raconter un peu l'histoire de Nancy, comment elle est liée à l'histoire de l'Algérie, à travers, donc, d'une part, la statue de Blandon, avec le peintre de Villy qui avait fait Blandon, qu'on a fait sortir au musée des Beaux-Arts, qui a été exposé donc au musée, qui a été vu par beaucoup de monde. Et trois, il y avait, avec les élèves, on est allé surtout chercher des documents, c'est-à-dire des lettres de soldats mosellans ou lorrains, des documents, des lettres qu'ils ont envoyées à leur famille, qui décrivaient leur arrivée en Algérie à l'époque, en 1840, comment étaient les Algériens, comment était la vie en Algérie pour eux, etc. Donc on a reconstitué toute une bonne période de l'arrivée de la colonisation en Algérie. Premier point. Oui, alors au niveau de ces statues, parce qu'il y en a une deuxième qui crée un petit peu des dissensions dans les communautés, je dirais, touloises et des Algériens en général, parce qu'il y a Bijar, le fameux Bijar, une statue qui a été érigée à Toul. Donc, est-ce que, pour toi, moi, c'est ce que je pense, mais pour toi, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre, un truc en opposition, si tu veux, le fait d'ériger en héros je dirais pas les massacreurs, sergent Blandon, c'est un peu une victime aussi, c'est un simple soldat, c'est un petit gradé, mais les grands qui ont effectivement... combattus, massacrés en Algérie, on sait ce qui s'est passé quand même. Bijar, il a fait quand même l'Indochine et l'Algérie. Là, est-ce qu'il ne faut pas en même temps, je dirais, rappeler historiquement ce qu'ils ont fait dans ces pays-là? Ils ont participé à des guerres de colonisation, hein, c'est l'Indochine, c'est l'Algérie. Oui, non, mais c'est... Bon, moi je ne sais pas, je ne peux pas mettre sur le même plan... En fait, le sergent Blandon, j'ai fait mon enquête, je suis allé à Lyon, je suis allé chercher des archives à Lyon pour le documenter. Et en fait, c'était un fils d'ouvre, un fils de... Excusez-moi, petite erreur technique, on va juste vous mettre un instant de la musique. Je vous laisse avec donc Iggy Pop, The Passenger. Ouais. De retour sur Fadjet Radio 94.2, nous avons été coupés rapidement par une petite erreur technique, je m'en excuse. Je vais donc laisser Mouloud et son invité reprendre pour la fin donc, de l'interview. Mouloud, c'est à toi. Alors, Monsieur Kellou, donc, je vais vous poser encore quelques questions hein, avant la fin de l'émission. Donc, on était parti tout à l'heure à discuter un petit peu des récits coloniaux. Donc, c'était un projet qui avait été fait avec, je crois, une classe de première du lycée Jeanne d'Arc. Alors, qu'est-ce que tu peux me parler ? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet qui s'est réalisé, mais je ne connais pas la suite, quoi. D'accord. Ok. C'est un film. Donc, au début, on avait donné d'ailleurs le. J'avais donné le titre de « Le fantôme du sergent Blandon ». C'est-à-dire, les gens m'ont dit, bon, le fantôme, ça fait un peu enfantin, ça fait, tu as peur de quoi, de Serge Blondon qui est mort il y a un siècle, voire pas plus, qu'est-ce que c'est ça, etc. Et puis après, je me suis dit, mais je garde quand même l'idée forte, celle de Monstre en Orange et Tais-toi. Donc c'est un peu aussi enfantin, mais au moins c'est tendre, c'est sympa, c'est l'histoire d'une mère qui dit à son enfant de manger, parce que le silence pendant la guerre est d'or. Bon, alors, pourquoi j'ai choisi ce film et le faire avec les élèves, c'est que les élèves apportent un regard neuf, hein, un regard, disons, innocent par rapport à un vécu d'une vieille génération comme la mienne, qui est lourde. Sans préjugés. Oui, mais en même temps, ils découvraient des choses. Ils découvraient, par exemple, que l'Algérie était un pays agricole, très riche, etc., qui a été complètement mécanisé. Donc on a tué ce qui était le grenier de Rome, hein, qui n'était quand même pas des terres fertiles, etc. Et derrière lequel il y avait un savoir-faire. C'est-à-dire que le paysan algérien savait comment faire du blé, comment faire de l'orge, comment faire de légumes, comment travailler les arbres, comment préserver la terre. Un an, il travaille une partie, et de l'autre, on la laisse reposer, etc. Donc il y avait tout un savoir-faire qui a été massacré, et on a ramené donc une mécanisation, ce que maintenant, par exemple, Zemmour dit, on a apporté la civilisation du tracteur, tu vois, de la civilisation mécanisée, la civilisation de la rentabilité capitalistique, etc. Tout ça a tué l'âme de l'Algérie, donc sa terre. Et de plus, les élèves découvraient aussi qu'une fois qu'on a, par exemple, récupérer les terres, on a chassé les populations algériennes qui occupaient ces terres-là. Tu vois, il n'y avait plus de tradition paysanne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ont regagné les montagnes, ils crevaient de faim, et Bugeaud, à l'époque, lançait le mot d'ordre, chassez-les, poursuivez-les, brûlez-les, donc, comme des renards. Tu sais, bon, enfin, c'est un truc très, très connu. Et donc, ils ont quand même découvert à la fois de dramatiques histoires, mais en même temps, des erreurs qui ont été commises. Au lieu de fraterniser, au lieu de comprendre ce que faisaient les gens locaux, on a essayé de substituer une civilisation qui était complètement à côté de la plaque. Oui, oui. Une prochaine fois, on reparlera de tout ça, parce que la conquête de l'Algérie, elle a été faite pour des raisons précises qui ne sont pas celles qu'on met dans les livres d'histoire un petit peu... On falsifie l'histoire. Bon, alors j'ai une dernière question. C'est, on voulait inviter, on l'invitera un de ces jours, ta fille qui a écrit aussi un ou deux bouquins, je crois, sur la Kabylie et tout ça. Et en ce moment, elle ne peut pas être invitée, ça devait être elle, et puis finalement, on t'a invité, on pensait les deux, et puis là, tu es venu tout seul. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, surtout qu'elle a, je crois, il y a un documentaire ou je sais pas, qui doit passer le 15 mai. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Au théâtre, la rue Grand Rue, le 15 mai à 20h. Non, c'est un film, très important, qui a eu beaucoup de prix d'histoire, enfin au Maroc. Il a eu des choses en Grèce. Il a été diffusé par toutes les associations en France et tout. C'est un film, en fait, à l'époque. Moi, je ne voulais pas retourner dans mon village pour raconter ici une histoire dramatique. Tu vois. Elle m'a dit, papa, moi, je vais y aller, puisque tu m'as donné un scénario qui s'appelle Lettre à mes filles, tu ne l'as pas fait. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller à ta place et tu m'accompagnes. On va aller dans ton village, on va rencontrer les gens que tu ne m'as pas présentés ni parlé, etc. Je veux les rencontrer, ces gens-là. Il les a rencontrés et il a fait un film là-dessus sur les regroupements en Algérie. Et ça a été un film parce que moi je ne voyais que mon village, mais en fait il s'agit de 2 millions de foyers, de personnes qui étaient déplacées pendant la guerre d'Algérie. C'est énorme, hein. C'est un phénomène qui dépasse. Donc voilà, il y a ça, il y a ensuite, donc je lui ai transmis l'envie de faire du cinéma, et puis elle m'a pris par le bras, elle m'a dit maintenant tu me fais un film sur l'Algérie. Donc on a retrouvé Serge Blondon, on l'a retrouvé. Et Dorothée a continué ensuite à faire des podcasts, il a fait sur France Culture, toute une série, il a fait un autre sur... qui va passer en septembre sur Arte. Donc il y a toute une recherche qu'il fallait approfondir. Et seule la radio peut le faire, parce que dès que tu sors, tu le sais bien, dès que tu sors une caméra, attention, c'est une mitraillette. Donc avec un micro caché, on peut faire des choses, on peut interviewer des gens tranquillement chez eux. Donc il y a vraiment une mémoire qu'il faut développer, qui est vachement intéressante. Les rapports entre la France et l'Algérie, il n'y a pas que des choses négatives. Oui, de toute façon, on aura l'occasion effectivement de vous inviter pour parler de tout ça. Donc, Kélou, Melek, donc on en arrive un petit peu à la fin de l'émission. Hein, et une prochaine fois, hein, peut-être avec ta fille ou les deux. Merci de votre invitation. Ou avec le troisième qui va arriver. Oui, pourquoi pas, oui. Merci beaucoup, messieurs, pour cette très intéressante interview. Merci beaucoup. Au revoir, Malik. Avant de passer donc à la suite de cette émission et à notre deuxième invité, nous allons faire donc comme d'habitude et comme tous les mois, vous en avez maintenant l'habitude sur Fadjet Radio dans l'émission Éclat de Lumière, nous allons faire un petit point. Agenda, c'est un agenda qui va se composer donc de dates et d'événements culturels en Lorraine, notamment à Nancy, mais aussi du côté de la région parisienne, puisqu'il y a énormément d'expositions et d'événements culturels à Paris en ce mois de mai. Je vais donc commencer rapidement par évoquer un événement très important qui s'est produit, qui a débuté aujourd'hui. Nous sommes donc au moment où est diffusée cette émission le 8 mai 2025 et depuis aujourd'hui, les œuvres du Centre Pompidou Paris sont arrivées à Metz, puisque vous le savez sans doute, le Centre Pompidou Metz va accueillir la plupart des œuvres, des collections donc du Musée Pompidou Paris qui est en travaux pour une durée de 7 ans dès la fin septembre 2025. 400 œuvres vont donc arriver au musée sous la direction donc de l'artiste Maurizio Cattelan. C'est une exposition donc qui va nous permettre de revenir jusqu'en 2027 sur les œuvres parfois méconnues de la collection du Centre Pompidou, avec des œuvres parfois dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je pense notamment au mur d'André Breton, qui était d'ailleurs de mémoire déjà présenté au Pompidou Paris, mais aussi donc le jeu d'échecs de Duchamp, de Marcel Duchamp par exemple. C'est un dialogue inédit, un accrochage donc très important qui est amené donc à perdurer dans le temps, puisque il se poursuivra jusqu'à au moins l'année 2027, avec donc tout un pan de l'histoire de l'art contemporain qui sera présenté dans notre belle région, donc au Pompidou Metz, à partir du 8 mai 2025. C'est à ne pas manquer. Pour une actualité cette fois littéraire, le 22 mai 2025 débutera la 24e édition des Imaginales d'Épinal. C'est un événement littéraire très important qui a pour thématique donc cette année les normes. Hein. La thématique donc du festival, c'est hors normes, et donc on va s'interroger autour de ce qui fait la norme, de ce qui ne la fait pas, comment la dépasse-t-on ou comment s'y conforme-t-on. 60 000 visiteurs sont attendus cette année pour voir les plus de 200 auteurs et autrices présents sous le chapiteau donc des Imaginales à Épinal, parmi lesquels certains auteurs très connus comme Victor Dixen, Éric Lhomme ou encore l'auteur de bande dessinée Guillaume Singelin, mais aussi Plume Serve, qui est donc cette année le coup de cœur du Festival donc des Imaginales pour son ouvrage, sa dystopie plus précisément, sur le handicap, qui s'intitule « Nous sommes la poussière ». À ne pas manquer également donc les rencontres de Body Painting, qui reviendront là encore le 24 et le 25 mai à l'occasion du festival. C'est un rendez-vous qui est vraiment évidemment à ne pas manquer pour tous les amateurs des genres de l'imaginaire. Avec cette année, je le note, la direction artistique et la magnifique affiche de Gilles Francescano. Pour poursuivre dans cet agenda qui, vous l'aurez remarqué, est chronologique, je vais laisser à présent Gilles, qui va nous évoquer en quelques mots l'événement du 24 mai qui s'appelle donc Aux Actes Citoyens à Tomblaine. Voilà, donc pour aller sur l'essentiel, donc avant d'échanger sur Aux Actes Citoyens, on ne va pas dévoiler tout le programme. Ce sont des rencontres théâtrales devenues maintenant incontournables pour le Grand Est et que de spectacles, encore une fois, de grande variété et de qualité. Et effectivement, si vous suivez nos réseaux sociaux, en particulier les Facebook et Insta, vous pourrez découvrir les temps forts des principaux spectacles qui sont invités. Et puis nous, on a évidemment parmi tout cela un coup de cœur, c'est toujours difficile à choisir, avec la compagnie Branle-Bas de Combat que nous avions reçu, avec un spectacle de Commedia dell'Arte. Donc, grand événement pour la région au niveau théâtral avant l'été, avant le Festival d'Avignon, donc le moment à ne pas manquer. Pour encore quelques jours, le premier festival de région auquel on s'était associé, donc organisé par les associations de la diaspora arménienne du Grand Est, encore une exposition intéressante Orbès à la médiathèque Gérard Thirion de l'Axou, et puis des spectacles musicaux qui vont se poursuivre jusqu'au 9 et 10 mai à l'Aubette, place Kléber à Strasbourg. Et puis, au-delà de la grande région, du Grand Est, en événements nationaux, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, on vous renvoie vers les rubriques du magazine Exactement. Lumière en Art. Et puis, deux temps forts. Un temps fort autour du 5 juin, puisque c'est un spectacle qu'on a soutenu et encouragé, une adaptation des Perses. Donc, un spectacle de théâtre contemporain qui aura lieu dans le 6e à Paris, avec donc soutien et participation du magazine Lumière en Art, avec nos amis de Lumière en Art de l'équipe de Paris. Et puis, un autre moment fort, une déambulation le 12 juin, où là, on va se retrouver un certain nombre autour d'un événement artistique, des expositions, les musées, et puis une création un petit peu originale où on va associer l'art, la photo et la joaillerie avec l'Ocine France à deux pas du Louvre, qui va être quelque chose de tout à fait original, un voyage en art avec comme thème l'or. Merci beaucoup Gilles, et j'ajouterai juste un petit mot pour vous signaler que en cette période de fin mai et de début juin, il y a également donc le Jardin du Michel Festival qui se tiendra donc à Dommartin les Toul après la déconvenue de l'année dernière, avec une programmation exceptionnelle, Rayleigh, Superbus, la Funky Family ou encore Kyo et Dubbing Corporation, avec une programmation très éclectique cette année, avec de la pop, du rock, de la variété, voire même un petit peu d'électro et de métal, à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonne musique. On va se laisser quelques petits instants sur Fadjet Radio avant de passer donc à notre deuxième invité, Romain Marie. Je vous laisse avec les Beatles, Here Come the Sun. A tout de suite donc sur Fadjet Radio. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. I say it's all right. De retour donc sur Fadjet Radio, c'est l'émission donc Éclat de Lumière et nous allons donc à présent passer à notre deuxième invité. Et je tiens à dire que Romain Marie, je suis ravi de vous recevoir dans notre émission. Au moment où on enregistre, on s'est vu donc la semaine dernière pour une très belle exposition intitulée donc Florilège qui s'est tenue à l'Hôtel Mercure le 26 et le 27 avril et qui me semble a été un très beau succès. Je rappelle rapidement que vous êtes donc un peintre professionnel depuis 2 ans, après un parcours professionnel dans la négociation, les relations clients ou encore le domaine des assurances. Déjà, je tiens personnellement à vous dire que je vous trouve très courageux d'être passé par le statut de professionnel depuis 2 ans. Et j'ajoute que vous avez récemment, il me semble, obtenu une certification Histoire de l'art par la Fondation Art Explora de l'Université Paris-Sorbonne. Pour commencer très rapidement cet échange, j'aimerais d'abord revenir sur votre parcours. Il me semble que vous êtes un passionné d'art depuis l'enfance, alors j'aimerais savoir tout simplement comment cette passion est née, et surtout comment, au vu de votre parcours professionnel, vous avez fait pour garder cette passion en vous et continuer justement de produire de l'art. D'accord, merci pour la question. Bonsoir à tous. Merci Victor, merci Mouloud, merci Gilles. Et enchanté de vous croiser, Cédric et Jean-François. Honoré d'avoir pu croiser également Monsieur Malek Kelou, le réalisateur qui était juste avant avec nous. Donc c'était vraiment une émission super. Très heureux de participer. Donc pour vous répondre, oui. Alors passionné de l'art, passionné du dessin. C'est vrai que depuis enfant, j'aimais toujours dessiner, créer, peindre. C'était un vrai plaisir. Et puis ça se passe peut-être pour beaucoup de petits garçons et petites filles. Souvent les maîtresses ou les professeurs accrochent les dessins en classe. Alors, je sais, peut-être pas tous en réalité, donc c'est vrai que ça me laissait croire qu'éventuellement mes dessins ou mes petites peintures pouvaient être jolies. Puis après, à 20 ans, on a d'autres obligations, hein, on est dans un système où il faut travailler. Hein. Oui. voilà, monsieur Kelou parlait tout à l'heure, son sujet c'était un peu le phénomène de la colonisation. Dimanche soir, là encore sur TF1, il y avait Black Panther qui passait. C'était aussi un sujet. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on a un peu masquées pendant 30 ans, 40 ans. Et forcément, à un moment donné, on peut mettre les choses sous le tapis. À un moment donné, ça ressort, hein, forcément. Je crois qu'il n'y a pas de peuple aujourd'hui sur Terre qui a été à un moment donné confronté à l'ultralibéralisme. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait des gens qui pouvaient vivre tout à fait paisiblement en profitant des ressources de la Terre, ce qu'elle avait à leur offrir, et ça leur suffisait, ils étaient bien. Puis à un moment donné, le capitalisme qui est devenu l'ultralibéralisme fait qu'il faut qu'on fasse du profit, qu'on s'enrichisse, au détriment, peu importe. C'est une philosophie finalement qui est imposée au plus grand nombre. Bon, donc la peinture, si vous voulez, quand on vient comme moi du domaine assurance, bancaire, finance, relations clients, à un moment donné, ça devient un exutoire. Et une autre proposition à un monde qui, pour ma part, me convient moins, on va dire. Voilà, en résumé, si ça répond à votre question. Mais bien sûr, et il y a 2 ans, donc vous décidez de vous professionnaliser et de faire de cet exutoire finalement une activité à plein temps, ce qui est très très courageux, je trouve. Après, c'est un peu un passage obligé, parce que c'est quand vous postulez pour exposer, à un moment donné, si vous êtes amateur, on vous dit non, c'est ouvert aux professionnels. Et après, c'est pas parce que vous êtes inscrit à la Maison des Artistes que vous êtes tellement plus professionnel que des amateurs qui peuvent avoir aussi beaucoup de talent en réalité. Donc, mais bon. C'est une question de statut un petit peu. Ouais, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Alors, on va rentrer un petit peu justement dans le cœur de cet art. Alors, évidemment, nous sommes à la radio, donc vous ne pouvez pas voir, mais je vous invite fortement à effectuer une recherche parce que, pour nos auditeurs, les toiles de Romain Marie sont des toiles extrêmement colorées et qui se caractérisent par ailleurs par une forte hétérogénéité des sujets et des références. Vous peignez beaucoup de sujets différents. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos sources d'inspiration et de ce qui influence vos œuvres au quotidien ? Oui, alors les sources d'inspiration, c'est un peu multiple. Il peut y avoir Françoise Niali, par exemple, ou Bénard Rouge, ou même Chagall, mais voilà, c'est pas forcément ce que je cherche à reproduire, mais c'est des idées. Voilà, le côté couleur, je trouve qu'il est intéressant parce que moi, j'étais sur une gamme de portraits. Parce que vous parliez tout à l'heure d'expositions où j'étais à la ferme du Charmois, puis après à Jarville, à l'hôtel de ville, où on était sur la thématique de la journée internationale des droits de la femme. Et en fait, ce que je mets en avant dans mes portraits, c'est effectivement beaucoup de couleurs. Ça veut dire qu'en même temps, la personne qui est représentée, elle a toutes les couleurs ou elle n'a pas de couleurs, en fait. Donc, elle est un peu... ou même androgyne. C'est-à-dire que a priori, c'est plutôt un portrait féminin, mais ça pourrait très bien être aussi un garçon qui a les cheveux un peu longs. Voilà, c'est pas... Donc, c'est plus une idée, l'idée de la féminité, quelque part, parce que je trouve que, pour moi, la féminité, c'est quand même un peu un symbole aussi de sagesse, de tendresse et de gentillesse qui manque peut-être un peu à ce monde aussi, actuellement, ouais. Alors, quelle est votre définition, justement, du féminisme à l'heure actuelle? Alors, le féminisme, il ne faudrait pas tomber dans le wokisme non plus. Oui, quoi, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui en France, dans notre pays, dans notre terre des droits de l'homme, la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme. Il y a toujours des questions sur le consentement quand une femme est violée. C'est ce qui est pas normal. On ne se pose pas la question dans la situation inverse, quoi. Il y a aujourd'hui des femmes, encore récemment, qui... en ayant fait des démarches pour annoncer qu'elles vivaient un enfer, qu'elles étaient violentées chez elles, bah, qui sont pas laissées, qui n'ont pas été entendues, qui ont été victimes de féminicides encore aujourd'hui. Moi, ça me choque aujourd'hui dans notre pays, en France, où on met tellement les valeurs de liberté, d'indépendance, de partage, où on puisse, une femme puisse subir encore ce genre de choses. Quel impact ont pu avoir, parce que vous avez parlé donc de ces figures féminines et vous avez parlé également donc de figures un petit peu androgynes. Alors j'aimerais savoir quel impact un petit peu ont pu avoir des artistes comme, je pense à David Bowie, je pense à Andy Warhol, qui ont été des figures justement androgynes d'importance. Quel a été l'impact de ces figures-là dans votre art ou même tout simplement dans votre vie? Oui, alors un impact dans l'art, je sais pas, plus culturel effectivement, parce que bon, c'est un petit peu avant moi quand même. Oui, bien sûr. Andy Warhol, mais c'est le côté pop art pour Andy Warhol, et effectivement le côté, il y a un côté très comment dire, bonne ambiance, bonne atmosphère avec David Bowie. On partage des bons moments qui sont aussi un peu très libres, quoi. Donc c'est ce côté un peu Freeman, quoi, qui est intéressant, quoi. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous peignez? Question qui me vient comme ça. Ça peut m'arriver, mais pas spécialement, en fait. Ok, vous préférez plutôt le silence et le calme. Ah, c'est bien aussi, de temps en temps, le silence. c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu votre relation à la couleur aussi? Parce que, bah, je le répète, ce sont des toiles extrêmement colorées, avec une palette de couleurs donc extrêmement variée. Et j'aimerais savoir un petit peu quel engagement se cache justement derrière cette palette multicolore qui caractérise vos œuvres. Alors c'est vrai que je repasse beaucoup sur les couleurs pour qu'elles ressortent, effectivement, que ça fasse ressortir les pigments. Et je travaille aussi avec des couleurs fluo qui redonnent même un côté un peu flashy sur les toiles. Moi, j'aime cette dimension parce que je trouve que les couleurs, c'est un peu l'arc-en-ciel, quoi. Donc c'est la joie, c'est l'idée. Je vois qu'il y a beaucoup de peintures, il y a beaucoup de peintres qui sont des fois engagés sur des choses tristes, sombres. C'est joli aussi, hein, je veux dire, incontestablement. Mais déjà, tout autour de nous, il y a tellement de choses qui donnent de la tristesse quelque part. Donc c'est une façon de mettre comme un petit peu de soleil, puisque c'est un carré, un espace de liberté où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc les couleurs, c'est une façon comme de dire, tiens, moi je mets un peu d'arc-en-ciel dans mon tableau, quoi. Vous êtes un peu un peintre de la joie, finalement. Du moins, vous essayez. Tant que je ne suis pas une fille de joie, ça va. Mais oui, l'idée, c'est d'apporter effectivement quelque chose d'enthousiasmant, de joyeux, de positif, oui. Mais c'est justement ce qui ressort un petit peu de l'exposition à laquelle j'ai pu assister donc, la semaine dernière. Il y a certains de vos tableaux où il y a un certain nombre de références de pop culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce qui vous inspire à ce niveau-là? Je pense, je me souviens comme ça de la Joconde, de Chaplin ou autre. Oui, alors effectivement, ça c'était. Bah, c'est, j'ai refait une Mona Lisa en fait. Tout à fait. Ça c'était l'année dernière au mois de décembre. J'avais envie de me faire un cadeau. Je m'étais dit, tiens, je vais m'offrir le tableau le plus cher du monde. Mais évidemment, je n'avais pas les moyens. Donc je me suis dessiné une Joconde un peu délirante, comme ça, un peu pop art. Et j'ai rajouté Mickey Mouse qui est en train de regarder Betty Boop qui sont en train de tomber amoureux. Et puis au-dessus, il y a le chien de Tintin, Milou, et dans les cheveux de Mona Lisa, il y a Félix le chat, et puis il y a la lune qui est en train de sourire, en train de regarder le soleil, avec un côté un peu psychédélique, voilà, bon, alors, ça c'est rigolo, parce que je vais vous dire quelque chose à propos de ce tableau, c'est, vous savez, en Inde, les hindous, ils sont très un petit peu aussi, ces couleurs, ce côté psychédélique. Oui, bien sûr. Et quand j'étais à la ferme du Charmois à Vendôme, il y a des étudiants qui sont pas très loin, et j'ai eu des étudiants hindous qui sont passés, et quand ils ont vu ce tableau-là, ça les a fait délirer, et ils se sont fait plein de selfies devant. Donc je sais pas, je sais que ça leur a bien plu, ce côté un peu psychédélique de ce tableau-là. Donc oui, il y a un côté, moi je trouve que c'est amusant. Alors sur les portraits, c'est moins psychédélique quand même. Il y a le côté coloré, oui, bien sûr, mais c'est plus posé. Et puis le Charlie Chaplin, c'est un peu dans le même ordre d'idées, avec un certain onirisme dans la représentation. Un petit droupi, une petite panthère rose aussi qui sont là. Je trouve que c'est mignon. Ça rappelle un peu pour ceux qui sont un peu quinquagénaire, on va dire. Malheureusement, voilà, c'est un peu les dessins animés, les images qu'on avait quand on était enfant, quoi. Et c'est quelque chose qui vous vient au fil de la composition, c'est quelque chose que vous avez prévu d'avance d'ajouter toutes ces figures-là, où vous vous dites comme ça, tiens, je vais ajouter telle figure sur le tableau, telle référence. Alors, pour ces deux tableaux-là, ça s'est construit comme ça, en fait. Effectivement, au départ, il y avait l'idée Charlie Chaplin ou Mona Lisa. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ah bah tiens, si j'ajoutais un petit personnage, c'est arrivé au fur et à mesure de la composition. Ouais. Et pour finir un petit peu le tour de vos modèles et de cette exposition, vous avez aussi des tableaux qui représentent des rues comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est des vues urbaines. Oui, voilà, des vues urbaines, je cherchais le mot. dans l'idée, ça serait plutôt des vues américaines ou new-yorkaises, mais elles sont totalement... Alors, pas toutes, hein, des fois, je me suis vraiment... Il y en a quelques-unes où j'ai repris à partir d'une photo de Times Square, mais sinon, les précédentes, c'était plutôt totalement imaginaire comme représentation, quoi, en fait. D'accord. Donc, est-ce que la photographie vous inspire un petit peu quand même pour peindre, ou c'est quelque chose d'assez... Ah bah oui, bien sûr, les sujets, voilà, c'est sûr que le sujet physique, il est utile ensuite pour la représentation, bien sûr. Vous avez, il me semble d'ailleurs, quelques projets pour le futur. On en a un petit peu discuté. Est-ce que vous pouvez en dire plus à nos auditeurs? Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver dans les semaines, dans les mois à venir? Où est-ce qu'on va pouvoir voir Romain Marie et ses œuvres? Eh bien, on va faire un film avec Malik Kelou. Non, c'est pas vrai. ça serait super, mais non. Là, l'avenir, en fait, c'est il y a quelque chose qui serait prévu au CILM de fin mai à première quinzaine de juin. En même temps, c'est vrai que les expositions passées m'ont permis de candidater à des choses que j'ai vues passer. Donc, j'ai pu être sélectionné sur un événement au Luxembourg qui s'appelle Pimp My Art, donc c'est organisé, c'est au shopping center de Kirchberg, donc c'est au Luxembourg, et c'était intéressant parce qu'il y a jusqu'à 15 à 20 000 passages par jour, et voilà, donc le fait d'avoir eu un peu de visibilité dans l'agglomération, et effectivement peut-être quelque chose qui était satisfaisant pour leur comité de sélection, ben, ça me permet au mois de juin de participer aussi à cet événement-là. Ben, on tient quand même à vous féliciter pour cette belle exposition donc qui va arriver. Évidemment, on vous soutiendra et on relaiera ça donc chez Lumière en Art. Et pour finir, c'est un peu la traditionnelle question pour finir cette interview, Romain Marie. On aime les recommandations culturelles en tout genre chez Lumière en Art. Est-ce que vous en avez un film, une musique, un tableau, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous plaît ces temps-ci au moment où on enregistre cette émission et dont vous aimeriez nous parler? Oui, bah, disons, musicalement, il y a une chanson qui est sortie il y a déjà quelques temps, mais qui était que j'aimais beaucoup, qui s'appelle La Grenade de Clara Luciani. Ah oui, Je crois que c'est une chanson très bon morceau et très bel album. très sympa. Puis je crois que c'était aussi un peu le titre qui l'a fait émerger, qui était un peu comme une revanche pour elle. Donc le titre symbolisait bien, la chanson symbolisait bien ce côté revanche. Voilà, vous voulez un film aussi ou quelque Oh, chose? bah, si vous avez, sinon ce n'est pas grave, on a déjà eu la recommandation Bah avec voilà, La Grenade. Non, bah, je vais rester là. Et bah, très bien. Merci beaucoup, Romain-Marie, pour ce bel échange. On vous retrouvera donc prochainement dans plusieurs lieux, dont cet événement donc, au Luxembourg, donc Pimp My Art. Merci beaucoup et merci pour vos tableaux qui sont absolument magnifiques. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avant de terminer cette émission, je crois que nous avons un tout petit peu de teasing à vous faire pour les semaines, les mois à venir. Et donc, je vais inviter deux personnes à prendre la parole pour la fin de cette émission, qui sont donc Jean-François Vinault et Cédric. Je vous invite tous les deux à prendre la parole et à nous évoquer ce projet qui se profile prochainement pour Lumière en Art et pour vous. Voilà, pépite pour les auditeurs et lecteurs du magazine Lumière en Art. Jean-François Vinault. Bonsoir. Alors, nous élaborons une petite exposition qui se trouvera devant la mairie de l'Axou vers le 20 juin, hein, autour du 19-20. Et voilà, je serai avec Cédric Morin. Donc, bonsoir, du coup, Nîmes Room. Donc, effectivement, nous serons aux alentours du 20 juin au niveau de l'Axou pour une exposition en plein air. Donc, j'espère du coup que cela va vous plaire. Nous avons quelques idées et le cheminement du coup se fait. Oui. Donc il y aura de la photographie et puis de la ainsi peinture. Ainsi que mes tableaux, du coup, en passage en relation avec Monsieur Vinault. Oui, voilà. Monsieur Vinault, que nous avons déjà reçu dans cette émission en fin d'année dernière. Oui. Et je pense que vous serez là lors de la prochaine émission, qui sera donc celle de juin, pour parler plus en détail de ce très bel événement, donc en partenariat avec Lumière en Art, qui se tiendra donc prochainement. C'était important de l'annoncer, voilà. Déjà en primeur pour les auditeurs et lecteurs de Lumière en Art, en avant-première. Il y a tellement d'événements, vous avez le choix. Oui, effectivement, c'est un mois, un printemps et un début d'été qui s'annonce très chargé pour Lumière en Art et pour la culture donc en général. Eh bien, je crois que c'est à présent la fin de cette émission. Je remercie nos invités. Merci beaucoup à tous les deux et à nos chroniqueurs, donc merci. Gilles et Mouloud, qui nous ont accompagnés pour cette émission. Merci aussi donc à Nîmes Room et à Jean-François Vinault pour leur intervention. Je vous rappelle donc, pour finir, que vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc de Lumière en Art, les pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, comme d'habitude, l'Instagram, Mag Lumière en Art, ainsi que donc le TikTok, et on n'oublie pas bien évidemment le site internet où vous pourrez trouver tous nos articles, nos reportages et nos photos, notamment des événements que nous venons donc d'évoquer dans cette belle émission. Quant à moi, il me reste juste donc à vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve donc le deuxième jeudi du mois de juin pour toujours plus de recommandations culturelles chez Lumière en Art. D'ici là, cultivez-vous, bonne soirée